السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، للوان سنت الله et nous lui demandons de couvrir de l'âge et de saluer son serviteur et messager, notre prophète Mohammed, ainsi que sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Amma ba'd, nahmadullah tabaraka wa ta'ala ala ni'amihi al-kathira allati la tuhsa, wa nahmaduhu jalla jalaluh ala ni'mati al-ijtima' fi baytin من بيوت الله. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فنسأل الله تبارك وتعالى من فضله جل وعز. Nous adressons les louanges à Allah du fait de ses nombreux bienfaits dont il nous fait part. Ces bienfaits-là qui sont innombrables. Et nous sommes reconnaissants vis-à-vis de lui, Azza wa Jal, du fait de ce bienfait qu'il nous accorde de pouvoir nous réunir dans une maison parmi les maisons d'Allah afin d'y faire mention de son nom subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: il n'est pas un groupe de gens qui se réunissent dans une maison parmi les maisons d'Allah afin d'y lire le livre d'Allah ou de l'étudier entre eux sans que la quiétude ne descende sur eux et que la miséricorde ne les englobe et que les anges ne les entourent et qu'Allah ne les mentionne auprès de ceux qui sont auprès de lui. Nous demandons donc à Allah tabaraka wa ta'ala de nous faire part de ses nombreuses faveurs et de ses nombreux bienfaits. La'allana naqra fi hadha al-majlis al-mutawadi' wal-ladhi narju min Allah tabaraka wa ta'ala an yubarik fi حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن واقعة من وقائعه يوم الحساب. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوضع الصراط بين ظهراني جهنم عليه حسك السعدان، ثم يستجيج الناس فناج مسلم مخدوش به، ثم ناج ومحتبس ومنكوس فيها، فإذا فرغ الله من القضاء بين العباد يفقد المؤمنون رجالا كانوا معهم في الدنيا يصلون صلاتهم ويزكون زكاتهم ويصومون صيامهم ويحجون حجهم ويغزون غزوهم، فيقولون: أي ربنا، عباد من عبادك كانوا معنا في الدنيا يصلون صلاتنا ويزكون زكاتنا ويصومون صيامنا ويحجون حجنا ويغزون غزونا لا نراهم. قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيقال: اذهبوا إلى النار، فمن وجدتم فيها منهم، أي من هؤلاء المؤمنين، فأخرجوه فيجدونهم قد أخذتهم على قدر أعمالهم، يعني النار قد أخذتهم على قدر أعمالهم، فمنهم من أخذته إلى قدمي، ومنهم من أخذته إلى ساقي، ومنهم من أخذته إلى ركبتيه، ومنهم من أخذته إلى ثدييه، ومنهم من أخذته إلى عنقه ولم تخش الوجه فيستخرجونهم منها أي من النار فيطرحونهم في ماء الحياء قيل وما ماء الحياء يا نبي الله قال صلى الله عليه وسلم غسل أهل الجنة فينبتون فيها كما تنبت الزرعة في غثاء السيل ثم يشفع الأنبياء في من كان يشهد أن لا إله إلا الله مخلصا فيستخرجونهم منها ثم يتجلى الله برحمته على من فيها فما يترك فيها عبدا في قلبه مثقال ذرة من الإيمان إلا أخرجه منها. Nous allons essayer, durant cette assise, cette modeste assise, dont nous espérons qu'Allah tabaraka wa ta'ala en fasse une assise bénie, nous allons essayer de nous rappeler et de voir ensemble un événement parmi les événements du jour dernier. Et pour ce faire, nous allons nous arrêter quelque peu avec un hadith parmi les hadiths qui a été rapporté du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith qui a été rapporté par le noble compagnon Abu Sa'id al-Khudri, qu'Allah l'agré, qui a dit avoir entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à dire le pont, as-sirat, quand on dit as-sirat, c'est-à-dire le pont, va être dressé au milieu de l'enfer. Et il comportera des épines d'un arbre appelé As-Sa'dan. As-Sa'dan, c'est un arbre qui est doté d'épines, qui est éventuellement le cactus ou un arbre s'y apparentant. Suite à cela, les gens vont passer sur ce pont. Certains seront épargnés et d'autres défigurés, puis sauvés. Tandis que d'autres seront immobilisés et d'autres jetés au feu. C'est-à-dire que parmi les gens qui vont passer sur ce pont, il va y en avoir qui vont être épargnés. D'autres qui vont être défigurés, mais qui vont malgré tout être sauvés. D'autres qui vont être immobilisés et d'autres qui vont être jetés au feu. Puis lorsque Allah tabaraka wa ta'ala en aura terminé de statuer du cas des serviteurs, les croyants vont se mettre à chercher après certains hommes qui étaient avec eux dans ce bas monde et qui priaient la même prière qu'eux et qui s'acquittaient de la même zakat qu'eux et qui jeûnaient comme eux ils jeûnaient et qui accomplissaient le pèlerinage comme ils le faisaient et qui participaient à des batailles comme eux. Ils avaient l'habitude de le faire dans ce bas monde. Et c'est alors que ces croyants vont s'écrier « Ô notre Seigneur, il est des serviteurs parmi tes serviteurs qui étaient avec nous dans le bas monde. Ils priaient notre prière, s'acquittaient de la zakat dont nous nous acquittions. Et ils jeûnaient comme nous jeûnions. Et ils accomplissaient le pèlerinage comme nous le faisions. Et ils participaient à nos batailles également. Mais nous ne les voyons pas. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de continuer en disant, c'est alors qu'il va leur être dit, dirigez-vous vers l'enfer. Et quiconque vous trouverez parmi ces gens-là, alors sortez-le de l'enfer. Et c'est alors qu'ils vont les trouver, c'est-à-dire ces gens qu'ils étaient en train de chercher. Ils vont les trouver alors que le feu avait commencé à les consumer, et ce, proportionnellement à leurs actes. Il en est dont le feu les a consumés jusqu'à leurs chevilles, d'autres jusqu'à leurs tibias, d'autres jusqu'à leurs genoux, d'autres jusqu'à leur poitrine, et d'autres jusqu'à leur cou, sans pour autant atteindre le visage. Et c'est alors qu'ils vont les en sortir, et qu'ils vont les jeter dans l'eau appelée Al-Haya, Et la question a été posée au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que c'est que l'eau appelée al-haya au messager, au prophète d'Allah? Et ce dernier sallallahu alayhi wa sallam de répondre, c'est le bain des habitants du paradis. Et c'est alors qu'ils vont se mettre à pousser, tels pousseraient des plantations, fi rutha sail. Rutha sail, c'est l'écume du torrent. Et c'est alors que les prophètes vont intercéder en faveur de quiconque attestait sincèrement que nulle divinité ne mérite d'être adorée si ce n'est Allah. Et c'est alors qu'ils vont les en sortir. Puis Allah tabaraka wa ta'ala va apparaître de par sa miséricorde aux yeux de ceux qui s'y trouvent. Et il ne laissera aucun serviteur qui avait dans son cœur ne serait-ce que le poids d'un atome de foi sans l'en sortir. C'est donc un hadith qui nous raconte cet événement comptant parmi les événements du jour dernier. Ce même jour grandiose, ce même jour terrible dont le rappel nous manque énormément. À une époque où le matériel prend le dessus, à une époque où tout ce qui a trait aux religieux, tout ce qui a trait à l'au-delà est bien souvent mis de côté. Il est donc opportun durant ce genre d'assises que l'on se remémore ensemble ce genre d'événement, sachant qu'Allah tabaraka wa ta'ala dans son livre, de même que son messager sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunnah, mentionne bien souvent la foi en Allah tabaraka wa ta'ala en l'accompagnant de la foi au jour dernier, étant donné que cela motive les serviteurs afin de fournir des efforts pour se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala afin d'obtenir son agrément et de bénéficier de sa récompense dans l'au-delà et d'être épargné de son courroux, de sa colère et de son châtiment. Qu'Allah nous en préserve. Il est donc opportun que nous nous rappelions entre nous ce genre d'événement-là afin de faire vivre dans nos cœurs le souvenir de la mort et le souvenir de l'au-delà et également que nous gardions à l'esprit que nous allons comparaître devant Allah tabaraka wa ta'ala et que nous allons rendre des comptes, que nous allons être jugés et que de ce jugement dépendra ce qu'il va advenir de nous par la suite, soit vers l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala et sa récompense éternelle, soit vers son courroux et son châtiment éternel, qu'Allah nous en préserve. والصراط جاء ذكره في كتاب ربنا تبارك وتعالى يقول عز وجل وإن منكم إلا واردها والضمير هنا يرجع إلى جهنم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا والمقصود بورود جهنم للمؤمنين والذين كانوا يظهرون الإيمان هو المرور على الصراط المنصوب على متن جهنم وقد جاءت أوصاف لهذا الصراط في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من ذلك أنه أحد من السيف وأدق من الشعر وأنه يمر عليه الناس وأن عليه كلاليب تخطف الناس أو تحاول ذلك وعليه كما سمعتم حسك السعدان وهو الشوك من هذه الشجرة المعروفة عند العرب Dans ce hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, on retrouve la mention du pont qui est dressé au-dessus de la Géhenne, au-dessus de l'enfer. Nous retrouvons la mention de ce pont-là dans le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. En effet, il a dit, et il n'en est pas un parmi vous qui n'y passera pas. C'est-à-dire qu'il ne passera pas par l'enfer. Cela est pour ton Seigneur un décret inéluctable, c'est-à-dire inévitable. Puis, nous savourons ceux qui faisaient preuve de crainte pieuse, et nous y laisserons les injustes agenouillés. Il faut savoir que le passage par la Géhenne, le passage par l'enfer qui est voulu ici, pour les croyants et ceux qui laissaient apparaître la foi, c'est le passage sur le pont qui est dressé au-dessus de l'enfer et qui a justement été mentionné, entre autres, dans le hadith de Abu Sa'id al-Khudri que vous avez précédemment entendu. Il faut savoir que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a décrit ce pont. Et ce, de différentes manières. Il a en effet informé du fait que ce pont, il est dressé au-dessus de l'enfer, au milieu de l'enfer. Il a également informé que ce pont est aussi fin qu'un cheveu. Ou même plus fin qu'un cheveu, excusez-moi. Et plus aiguisé qu'un sabre. Et que les gens vont y passer. Et que sur ce pont-là, il y a des crochets qui tentent d'appeler les gens qui y passent. Et également, comme nous l'avons vu dans le hadith d'Abu Saïd, il y a dessus des épines qui sont les épines d'un arbre appelé As-Sa'dan. Il est peut-être opportun ici d'attirer votre attention, bien que j'avais déjà eu l'occasion de le faire lorsque nous avions abordé ce point-là dans le commentaire du Cheikh Salah Al-Fawzan, du hadith de Jibril alayhi salam, d'attirer l'attention vers le fait que nous ne pouvons pas appréhender ce genre d'événements qui sont mentionnés dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam comme nous appréhendons ce qui pourrait se passer dans ce bas monde, car cela est relatif au jour dernier. Et ce qui va se passer au jour dernier, tu ne peux pas chercher à le comprendre en te basant sur ce que tu as l'habitude de voir dans ce bas monde. Dans ce bas monde, il serait inconcevable qu'une foule de gens puisse passer sur un pont qui serait plus fin qu'un cheveu. Et à la base, un pont qui serait plus fin qu'un cheveu dans ce bas monde n'existe pas. Et il ne pourrait pas non plus passer sur un pont qui, en plus d'être plus fin qu'un cheveu, serait plus aiguisé qu'un sabre. Mais il faut savoir que dans l'au-delà, les normes changent complètement. Et que cette chose-là, nous devons impérativement y apporter foi et que nous devons impérativement avoir la conviction du fait que cela va se passer. Pour quelle raison? Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en a informé et que cela nous est parvenu de manière authentique et il fait partie de la foi du musulman d'apporter foi et d'avoir une ferme conviction à propos de ce dont a informé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Car comme l'a dit Allah tabaraka wa ta'ala, il ne se prononce pas sous l'emprise de la passion, mais c'est plutôt une révélation qui lui est faite. والناس يمرون على الصراط ويتفاوتون في المرور عليه فمنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالطير ومنهم من يجري ومنهم من يمشي ومنهم من يزحف زحفا وأناس أوبقتهم أعمالهم فيقعون في نار جهنم بسبب أعمالهم والعياذ بالله. فالضابط في تفاوت سرعة مرور الناس على هذا الصراط هو قدر الأعمال، فبقدر الأعمال يمر الناس على هذا الصراط سريعا أو يبطئون عن ذلك أو يقعون في نار جهنم أو تخطفهم هذه الكلاليب التي على هذا الصراط كما تقدم على مسامعكم. Faut savoir que les gens ils vont passer sur ce pont et qu'ils ne vont pas tous passer à la même vitesse. Certains vont passer à la vitesse de l'éclair. D'autres vont passer à la vitesse du vent. D'autres vont y passer à la vitesse d'un oiseau. D'autres vont y courir. D'autres vont y marcher. Et d'autres vont traverser ce pont en rampant. Et d'autres vont être happés par les crochets qui se trouvent sur ce pont, touchés par ces crochets et ces épines dont nous avons fait mention. Et certains vont uniquement être touchés et défigurés. Et d'autres vont être happés par ces crochets-là et vont tomber en enfer. Qu'Allah nous en préserve. Et il faut savoir que ce qui détermine la vitesse à laquelle les gens vont passer sur ce pont, c'est les œuvres, leur quantité et leur qualité. Avant tout, la qualité des œuvres. Et c'est ainsi que certains y passeront à la vitesse de l'éclair, par permission d'Allah tabaraka wa ta'ala et du fait de sa miséricorde et de son pardon, et du fait des œuvres qu'ils auront, par le biais des œuvres qu'ils auront accomplies, et d'autres vont y passer à des vitesses inférieures, et d'autres, à cause de leurs œuvres, vont tomber en enfer. Qu'Allah nous en préserve. Il est donc important que nous nous remémorions ces genres de choses-là, afin d'accomplir ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous commande d'accomplir, et afin de nous écarter de ce qui nous ordonne, de nous écarter. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous aide et nous assiste. لِلْإِمَانِ بِالصِّرَاطِ أَثَرٌ عَظِيمٌ وَكَبِيرٌ فِي سُلُوكِ الْعَبْدِ وَلَعَلِّي أَقْرَى لَكُمْ بَعْضَ الْآثَارِ الْمَرْوِيَّةِ عَنْ سَلَفِ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَدْ جَمَعَهَا أَوْ جَمَعَ طَائِفَةً مِنْهَا فضيلة الشيخ زيد ابن محمد ابن هادي المدخلي رحمه الله في هذا الكتاب النافع الموسوم تيسير الرب الرحيم شرح لامية الإمام أحمد ابن عبد الحليم المنظومة اللامية لشيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله. فلما جاء إلى مسألة إثبات الصراط وإلى قول المؤلف وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم ناج وآخر مهمل، ذكر ما سمعتم من حديث أبي سعيد وذكر بعض الآثار عن سلف هذه الأمة وأقرأ بعضا منها لنستفيد منها جميعا. فقال الشيخ وقال عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال كان عبد الله بن رواحة واضعا رأسه في حجر امرأته فبكت امرأته فقال ما يبكيك، يعني عبد الله بن رواحة قال لامرأته ما يبكيك، قالت رأيتك تبكي فبكيت، قال إني ذكرت قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها فلا أدري أننجو منها أم لا. وفي رواية أنه كان مريضا. وقال ابن جرير قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو يمان أو ابن يمان عن مالك بن مغول عن أبي إسحاق كان أبو ميسرة إذا آوى إلى فراشه قال يا ليت أمي لم تلدني ثم يبكي فقيل له ما يبكيك يا أبا ميسرة قال أخبرنا أن واردها أي أن وارد جهنم ولم نخبر أننا صادرون عنها أي أننا سننجو منها وقال عبد الله بن المبارك عن الحسن البصري قال قال رجل لأخيه هل أتاك أنك وارد النار قال نعم قال فهل أتاك أنك صادر عنها أي ناج منها قال لا قال له الحسن رحمة الله عليه ففيما الضحك يعني لماذا تضحك قال فما رؤيا ضاحكا حتى لحق بالله تبارك وتعالى فانظروا إلى سلفنا الصالحين كيف كانوا يتدبرون القرآن وينظرون في معانيه وكيف كان القرآن وما جاء فيه يؤثر على سلوكهم وعلى أحوالهم رحمهم الله. Il faut savoir que la foi en cet événement dont nous sommes en train de parler, à savoir la foi au fait que les serviteurs d'Allah vont passer sur ce pont dressé au-dessus de la Géhenne, doit avoir un impact fort sur notre comportement, sur notre manière de cheminer vers Allah, tabaraka wa ta'ala. Et cette foi doit avoir un impact fort sur notre quotidien et doit avoir un impact fort sur notre crainte et sur notre peur d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et c'était d'ailleurs le cas de nos pieux prédécesseurs, les premières générations de cette communauté qui a porté foi en cette chose-là et la foi qu'ils avaient en cet événement, parmi les événements du jour dernier, avait un impact fort sur leur manière de se comporter vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala et vis-à-vis de leur prochain. De même que cela avait un impact sur les efforts qu'ils fournissaient au quotidien. Le noble Sheikh Zayd ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali, qu'Allah lui fasse ample miséricorde, a mentionné certains récits qui ont été rapportés de nos pieux prédécesseurs, et ce dans son livre profitable intitulé Taysir al-Rab al-Rahim, qui est un commentaire du poème intitulé Al-Lamiya et qui a été écrit par le Sheikh de l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Arrivé au vers dans lequel Ibn Taymiyyah dit wa kadha as-sirat yumaddu fawqa jahannam fa musallamun najin wa akharu muhmalu, il a mentionné certains textes dans lesquels nous retrouvons l'affirmation du pont qui est dressé, de l'existence du pont qui est dressé au-dessus de la Géhenne, notamment le verset de Surat Maryam que nous avons eu l'occasion de réciter, ainsi que certains hadiths rapportés du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dont le hadith d'Abu Saïd que vous avez entendu précédemment, et il a quelque peu développé certains points relatifs à la foi en l'existence de ce pont, et il a mentionné certains récits qui ont été rapportés des plus prédécesseurs de cette communauté, notamment ce qui a été rapporté du compagnon Abdullah ibn Rawaha, qui un jour, et il a été rapporté qu'il était malade ce jour-là, il avait posé sa tête dans le giron de son épouse. Donc ils étaient dans un moment d'intimité, et Abdullah ibn Rawaha, qu'Allah l'agré, ainsi que son épouse, ainsi que l'ensemble des compagnons, il s'est mis à pleurer. Et son épouse s'est également mise à pleurer. Abdullah ibn Rawaha lui a dit, qu'est-ce qui te fait pleurer? Elle lui a répondu, je t'ai vu pleurer, Et j'ai donc pleuré. Abdullah ibn Rawaha de lui dire, quant à moi, je me suis remémoré la parole d'Allah Azza wa Jal, dans laquelle il dit, et il n'y en a pas un parmi vous qui ne va pas y passer. C'est-à-dire qu'il ne va pas passer par l'enfer. Puis, après avoir fait mention de ce verset, ou de ce passage du verset, il a dit, et je ne sais pas si je vais pouvoir en être, en sortir épargné, ou pas. Donc regarde ici comment Abdullah ibn Rawaha ne s'est pas contenté de réciter ce verset, ou de le lire. Mais également, il a fait suivre cette lecture, et cette récitation, et cette connaissance, par une méditation, par une remise en question. Et il en est arrivé à pleurer, en se demandant, est-ce que je vais en sortir sain et sauf, ou pas. Il a également été rapporté d'un certain Abu Maïsara qu'il avait pour habitude, lorsqu'il se mettait dans son lit, de dire la chose suivante. Si seulement ma mère avait pu ne pas m'enfanter, puis il se mettait à pleurer. Et il arrivait qu'il lui soit dit, qu'est-ce qui te fait pleurer, oh Abu Maïsara? Et il disait alors, on nous a informé que nous allions passer par l'enfer, mais on ne nous a pas informé est-ce que nous allons en sortir sains et saufs. Également, il a été rapporté que Abdullah ibn Mubarak, rapporté d'Al-Hassan al-Basri, qu'Allah leur fasse miséricorde, qu'un jour un homme a dit à son frère, est-ce qu'il t'est parvenu l'information que tu allais passer par l'enfer? Cet homme lui a dit, oui, cette information m'est parvenue. Et il lui a alors dit, et est-ce que t'es parvenu l'information que tu allais en sortir sain et sauf? Son frère lui a répondu non. Il lui a alors dit, pourquoi ris-tu alors? Et il a été rapporté de cette personne que par la suite, il n'a plus jamais été vu en train de rire, et ce jusqu'à ce qu'il rejoigne Allah, tabaraka wa ta'ala. Il est donc important que nous prenions exemple sur ce genre de comportement-là, et que le rappel qui nous est fait relatif à cet événement par lequel nous allons tous passer, sans exception, le passage par l'enfer, c'est quelque chose qui nous concerne tous, autant que nous sommes. Et il faut que ce rappel-là fasse naître en nous, ou fasse vivre en nous, ou revivre, la crainte que nous devons avoir d'Allah tabaraka wa ta'ala. La crainte de sa colère, de son courroux, de son châtiment. La crainte de voir le peu de bonnes actions que nous accomplissons ne pas être acceptées. La crainte de voir nos mauvaises actions prendre le dessus sur nos mauvaises. La crainte de subir le châtiment d'Allah et d'être introduit en enfer, qu'Allah nous en préserve. في الآية التي سمعتموها من سورة آل عمران من سورة مريم أن سبب النجاة هو التقوى وأن سبب الهلاك هو الظلم وقد قال الله تبارك وتعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثيا والتقوى كما تعرفون هي الغاية من الحكمة التي لأجلها خلق الله تبارك وتعالى الجن والإنس فقد قال الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى هي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والتقوى هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته جماعات وأفرادا. فقد أثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه رضوان الله عليهم قبل موته بقليل: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كما أنه أثر عنه أنه أوصى بالتقوى بعض أصحابه، فقد قال لمعاذ رضي الله عنه: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. والتقوى هي وصية سلفنا الصالحين بعضهم لبعض. فقد أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه جاءه رجل سائلا ابن عباس رضي الله عنهما وطالب منه وصية، فقال له: أوصني يا ابن عباس. فقال له: عليك بتقوى الله والاستقامة والأثر، اتبع ولا تبتدع. فعلى رأس هذه الوصايا الوصية بتقوى الله. والتقوى أيها المؤمنون هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله، كما قال الطلق بن حبيب، وكما قال بعض العلماء: التقوى أن تجعل بينك وبين سخط الله وقاية بفعل الأوامر وترك النواهي. فالتقوى من ثمراتها الطيبة أنها السبب في النجاة من هذا الموقف العظيم ومن هول هذه الواقعة من وقائع يوم القيامة. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الحفظ والتوفيق. Nous trouvons dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala que vous avez entendu de la sourate Maryam que pour être sauvé de cet événement-là, terrifiant et terrible et grandiose, il y a une cause principale. De même que le fait d'être précipité en enfer et de se retrouver agenouillé, humilié, sur ce pont dressé au-dessus de l'enfer, il a sa cause qui émane. La cause qui émane au fait d'en sortir sain et sauf, c'est la crainte pieuse d'Allah tabaraka wa ta'ala. Car Allah a dit: puis nous en sauverons ceux qui faisaient preuve de crainte pieuse, et nous y laisserons les injustes agenouillés. Et tu trouves donc par là même la cause de la perdition durant cet événement-là, qui n'est autre que l'injustice, et nous allons aborder ce qui est voulu par l'injustice, Incha'Allah ta'ala. Donc la cause de la préservation, la cause qui mène à être sauvé, c'est la crainte pieuse d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ce principe qui constitue le but, qui réside dans le fait de concrétiser la sagesse pour laquelle les djinns et les hommes ont été créés. Allah tabaraka wa ta'ala, il a créé les djinns et les hommes pour qu'ils l'adorent. Il a d'ailleurs dit, ô vous les gens, barakallahu fi, adorez votre Seigneur qui vous a créé et qui a créé ceux qui sont venus avant vous afin que vous atteigniez la crainte pieuse. Donc la sagesse pour laquelle tu as été créé, et c'est la première des choses qui t'est ordonnée, et c'est d'ailleurs le premier ordre que tu trouves quand tu ouvres le livre de ton Seigneur, c'est d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Et le but à atteindre derrière cela, c'est la crainte pieuse. Car à la fin du verset, Allah dit, afin que vous atteigniez la crainte pieuse. La crainte pieuse, c'est l'objet de la recommandation qu'Allah tabaraka wa ta'ala a donnée aux premières et aux dernières générations. Il a en effet dit, subhanahu wa ta'ala, et nous vous avons certes donné la recommandation, ainsi qu'à ceux qui sont venus avant vous, ou plutôt, excusez-moi, et nous avons certes donné la recommandation à ceux à qui le livre a été attribué avant vous, ainsi qu'à vous-même, de craindre Allah pieusement. Et il faut savoir que c'est la recommandation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donnée à sa communauté. C'est la recommandation qu'il donnait à ses compagnons lorsqu'ils étaient réunis ou de manière individuelle. Il a été rapporté par Al-Arbad ibn Sariya que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vous recommande la crainte pieuse d'Allah, ainsi que l'écoute et l'obéissance, même si celui qui prend le dessus sur vous est un esclave abyssin, car celui qui vivra parmi vous verra beaucoup de divergences. Cramponnez-vous donc à ma sunna et à la sunna des califs bien guidés après moi. Mordez-la à pleines dents et méfiez-vous des choses nouvellement inventées en religion. Car toute chose nouvellement inventée en religion est une innovation. Et toute innovation est un égarement. Il a également été rapporté de lui de manière authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'adh ibn Jabal, entre autres, crée Allah où que tu sois et fais suivre la mauvaise action par une bonne action, elle l'effacera, et comporte-toi avec les gens d'une bonne manière. Et c'est également l'objet de la recommandation qu'avait l'habitude de se donner ou de s'échanger les pieux prédécesseurs de notre communauté. À titre d'exemple, il a été rapporté d'Ibn Abbas, radiallahu anhuma, qu'un jour un homme est venu le voir et lui a dit, accorde-moi une recommandation, recommande-moi quelque chose, conseille-moi. Ibn Abbas lui a alors dit, cramponne-toi à la crainte pieuse d'Allah, à la droiture et au suivi. Suis le modèle de ceux qui t'ont précédé et n'innove pas dans la religion. Il est donc impératif de concrétiser cela. À savoir que la crainte pieuse d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme l'a défini Talq ibn Habib rahimahullahu ta'ala, c'est que tu œuvres par obéissance à Allah en te basant sur une lumière venant d'Allah, la lumière de la science, la lumière du savoir et la lumière de la foi, en recherchant par là la récompense d'Allah, et que tu t'écartes de la désobéissance à Allah en te basant sur une lumière venant d'Allah, toujours la lumière de la science, du savoir et de la foi, en cherchant par là à t'écarter de la punition et du châtiment d'Allah. D'autres ulama ont défini la taqwa, la crainte pieuse, comme étant le fait de placer entre soi et le châtiment, le courroux, la colère d'Allah tabaraka wa ta'ala, une barrière, en accomplissant ce qu'il a ordonné d'accomplir et en s'écartant de ce qu'il a ordonné de s'écarter. هذا بالنسبة لسبب النجاة من هول هذا الموقف. وأما السبب في هلاك الناس في هذا الموقف الهائل فهو الظلم، كما تبين لكم من هذه الآية التي قال الله تبارك وتعالى فيها وَنَظَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيَّا. والظلم ظلمان، الظلم نوعان، ظلم أكبر وظلم أصغر. فالظلم الأكبر هو الذي يخرج صاحبه من الإسلام، وهو الذي يخلد صاحبه في نار جهنم والعياذ بالله. وأما الظلم الأصغر فهو ظلم لكنه ليس بمخرج من ملة الإسلام، ويجعل صاحبه تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. فالظلم نوعان كما سمعتم، وهلاك الناس الذين ظلموا والذين يظهرون جثية نوعان، إن كان أكبر فإن الهلاك هلاك أبدي سرمدي والعياذ بالله، وإن كان أصغر فإنه لا يخلد صاحبه في العذاب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظني وإياكم من سخطه وأليم عقابه. Quant à la cause qui mène à la perdition sur ce pont, il n'est autre que l'injustice, al-dhulm. Et il faut savoir que al-dhulm, que l'on traduit communément de manière approximative par l'injustice, il est de deux sortes. Une injustice qui est majeure et qui fait sortir celui qui s'en rend coupable de la sphère de l'islam et qui provoque l'éternité en enfer, qu'Allah nous en préserve. D'ailleurs, la plus grande des injustices, c'est l'associationnisme. Comme Luqman l'a dit à son fils alors qu'il était en train de l'exhorter, comme cela est mentionné par Allah tabaraka wa ta'ala dans son noble livre, lorsqu'il fait mention des recommandations de Luqman à son fils, et lorsque ce dernier a entre autres dit à son fils, ô mon fils, n'accorde pas d'associer à Allah, car certes l'associationnisme est une injustice énorme. Car l'injustice, c'est le fait de placer une chose à un endroit qui ne lui convient pas. Et celui qui voue l'adoration à autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, il aura placé l'adoration dans un endroit qui ne lui convient pas. Car l'adoration doit être vouée exclusivement à Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc, le dhulm, que l'on traduit par injustice, il peut être majeur et exclure celui qui s'en rend coupable de la sphère de l'islam et provoquer son éternisation en enfer, que l'on nous en préserve. De même qu'il peut être mineur. Il reste grave, mais mineur. Dans le sens où il n'exclut pas celui qui se rend coupable de la sphère de l'islam et qu'il ne provoque pas son éternisation dans le châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il n'en reste pas moins que nous devons chercher à nous écarter de toute forme d'injustice et pour nous aider à nous en écarter, il convient de se rappeler les conséquences du fait d'être injuste, qu'Allah nous en préserve. Wa mimma ja'a fi hadith Abi Sa'id al-Khudri radi Allahu an kawn al-mu'minin يفقدون رجالا كانوا معهم في الدنيا كما سمعتم يصلون صلاتهم ويزكون زكاتهم ويصومون صيامهم ويحجون حجهم ويغزون غزوهم ويقولون أي ربنا عباد من عبادك كانوا معنا في الدنيا يصلون صلاتنا ويزكون زكاتنا ويصومون صيامنا ويحجون حجنا ويغزون غزونا لا نجدهم لا نراهم قال فيقال اذهبوا إلى النار فمن وجدتم فيها منهم فأخرجوه. بمعنى أن هؤلاء كانوا مع هؤلاء المؤمنين الذين نجوا من الصراط وكانوا من المسلمين. وهؤلاء الذين وقعوا في النار يصلون ويزكون ويصومون ويحجون ويغزون، مع هذا وقعوا في جهنم وشرعت النار تأخذهم. منهم من أخذتهم النار إلى قدميه، ومنهم إلى ساقيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى ثدييه، ومنهم إلى عنقه، ولم تخش الوجه. فهذا يجعلنا نحاسب أنفسنا، فلعل بعضنا يكتفي بما يظن أنه قد قدمه، يقول أنا أصلي وأنا أصوم وأنا أزكي، ولعله يقولني أنا قد حججت ويكتفي بذلك، ويقول أنا أني لا أظلم الناس ولا أشتمهم وكذا وكذا، فيظن أنه خلاص قد نجا. فتذكر هذا، تذكر أن هؤلاء كذلك يصلون ويزكون ويصومون ويحجون، بل يزيدون على ما نفعله نحن، يغزون. مع هذا وقعوا في جهنم. ما السبب؟ الأعمال. لعلهم ارتكبوا بعض الكبائر فوقعوا في نار جهنم. طبعا إذا كانوا مؤمنين كما تبين لكم من هذا الحديث فإنهم لا يخلدون، ولكن من يرضى أن يذوق نار جهنم؟ لا يرضى بذلك عاقل. فهذا يجعلنا نحاسب أنفسنا ولا نغتر بما نظن أننا قد قدمناه، فنشمر عن سعد الجد في التعبد لله تبارك وتعالى، ونبتعد كل البعد عن المعاصي سواء كان سرا أو علانية. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. تذكر هذا، تذكر أنك إذا كنت وحدك فإن عليك رقيبا سيحاسبك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. علينا جميعا أن نحاسب أنفسنا على ذلك، وأن نفكر فيما قدمنا. ولله در الحريري لما قال والله لو فكر ابن آدم فيما قدم لبكى الدم. ولكن نحن في هذا الزمان يقل الذكر والتذكير والموعظة، ويكثر اللغو وتكثر الغفلة، فنحتاج إلى أن يذكر بعضنا بعضا بمثل هذه النصوص التي نجد فيها ما يعظنا. ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد. Parmi ce que nous pouvons trouvé dans ce hadith rapporté par Abu Sa'id al-Khudri. Le fait que les croyants vont se mettre à chercher certaines personnes qu'elles côtoyaient dans ce bas monde. Et que ces personnes-là, elles prient, elles s'acquittent de la zakat, elles jeûnent, elles accomplissent le pèlerinage, et elles ont même pris part à certaines batailles. Elles ont même risqué leur vie. Malgré tout, ils ne les trouvent pas parmi eux. Et ils s'adressent alors à Allah tabaraka wa ta'ala en demandant après ces personnes qui étaient avec eux. Et c'est alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala les oriente vers l'enfer en leur disant de s'y diriger et d'en sortir quiconque ils trouveraient parmi ces gens-là. Et c'est alors qu'ils vont trouver que ces gens-là auront commencé à être consumés par le feu, comme vous l'avez entendu. Certains jusqu'à leurs chevilles, certains jusqu'à leurs tibias, certains jusqu'à leurs genoux, certains jusqu'à leur poitrine, certains autres jusqu'à leur cou. Sans que pour autant le visage n'ait été touché. Il faut que nous méditions sur ça. Et c'est une réponse à ceux qui, éventuellement parmi nous, en pourraient ou pourraient en arriver à faire preuve de suffisance et à se dire qu'ils jeûnent, qu'ils prient, qu'ils s'acquittent de la zakat. Peut-être que s'il a accompli le pèlerinage, il va en arriver à s'en suffire. Rends-toi compte que ces gens-là dont nous sommes en train de parler, ils font ces choses-là, ils font même plus encore. Ils ont pris part à des batailles en risquant leur vie. Malgré tout, ils n'ont pas été épargnés par l'enfer. Quelle est la cause? Est-ce que c'est parce qu'ils sont sortis de l'islam? Non, car s'ils étaient sortis de l'islam, ils n'auraient pas l'occasion de sortir de l'enfer. Et comme nous le voyons ici, ils vont sortir de l'enfer. Donc ce qui les a menés en enfer, c'est autre chose. Ce sont leurs actions. Éventuellement, ils ont peut-être délaissé certaines obligations. Peut-être qu'ils ont perpétré certains interdits. Et c'est ainsi qu'ils vont être châtiés. Donc dis-toi que cette chose-là, ça ne concerne pas uniquement les autres, mais que cette menace pèse sur nous également. Donc il faut que nous nous rappelions cela. Surtout à une époque où l'insouciance est de mise, où le rappel est très peu fréquent. Une époque où le matériel prend le dessus et où nous avons peu l'occasion de nous rappeler ce genre d'événement-là. Et je demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous assister et de nous aider et de nous épargner. كما أننا نجد في هذا الحديث في آخره سعة رحمة الله تبارك وتعالى، فإنه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يتجلى الله برحمته على من فيها، أي على من بقي في نار جهنم، فما يترك فيها عبدا في قلبه مثقال ذرة من الإيمان إلا أخرجه منها. Nous trouvons également à la fin de ce hadith l'immensité de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala, notamment dans le fait que le prophète alayhi salatu wa salam a dit qu'Allah tabaraka wa ta'ala va apparaître par sa miséricorde aux yeux de ceux qui s'y trouvent, c'est-à-dire ceux qui seront restés en enfer après qu'un certain nombre de ceux qui y seront passés parmi les croyants en auront été sortis. Et c'est ainsi qu'il ne va laisser aucun serviteur qui a dans son cœur l'équivalent du poids d'un atome de foi sans qu'il ne l'en sorte. Cela donc te montre et met en évidence l'ampleur de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et nous trouvons donc dans ce hadith l'affirmation du châtiment d'Allah, de même que nous trouvons l'affirmation de sa miséricorde Et cela nous mène à terminer par ce point-là, à savoir le fait que le croyant, dans ce bas monde, il se doit d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala par amour, avant tout, et c'est là la base de l'adoration, mais également avec crainte et espoir. Et le croyant, il doit sans cesse avoir ces trois sentiments dans le cœur. Il doit adorer Allah tabaraka wa ta'ala avec amour, adorer Allah tabaraka wa ta'ala avec crainte, avec peur, peur de son courroux, peur de sa colère, peur de son châtiment, peur de voir ses actions ne pas être acceptées par Allah, peur de voir ses actions mauvaises ne pas lui être pardonnées. De même qu'il se doit d'avoir dans le cœur l'espoir, l'espoir à la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala, l'espoir de sa récompense, l'espoir de voir ses bonnes actions acceptées, l'espoir de voir ses mauvaises actions lui être pardonnées. Et donc ce genre de hadith et ce genre d'événements doivent avoir un impact fort sur notre cheminement, sur notre foi et sur notre pratique de la religion. As'alullah tabaraka wa ta'ala an yaghfirani wa lakum wa an yarhamana jami'an wa an yatuba alayna. As'alullah tabaraka wa ta'ala التوفيق والسداد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا من كل سوء في الدنيا والآخرة. Je demande à Allah تبارك وتعالى de nous pardonner tous autant que nous sommes, de nous faire miséricorde, d'accepter notre repentir. Je demande à Allah تبارك وتعالى de nous accorder la réussite dans ce bas monde et dans l'au-delà, et de nous maintenir sur la bonne voie jusqu'à ce que nous le rencontrions. Et je demande à Allah تبارك وتعالى de nous préserver de tout mal dans ce bas monde ou dans l'au-delà. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa a'tadhirani anil dars ba'd al-isha. Na'am, wa nuwasil ghadan insha'Allah ba'd al-subh bi qira'at sharh fadilat al-shaykh Salih al-Fawzan li al-arba'in al-nawawiyya. Donc je présente mes excuses, premièrement concernant le retard, et deuxièmement concernant le cours d'après l'Aïcha qui était prévu et qui n'aura finalement pas lieu. Et je vous donne rendez-vous donc demain matin après la prière de Subh, ou plutôt tout à l'heure. Parce que comme vous le savez, nous autres musulmans, nous entrons dans le jour à partir du Maghreb. Ça veut dire que nous sommes déjà rentrés dans le jour que je visais quand je disais demain. Aujourd'hui, on est là. Aujourd'hui on est demain. Aujourd'hui on est dimanche, c'est sahih. Al-Ahad. Donc tout à l'heure après le Subh, bi-iznillah, on continuera ce que l'on avait entamé il y a un bon moment, comme lecture du commentaire du Cheikh Salih al-Fawzan des 40 hadiths d'An-Nawawi. Wa barakallahu fikum.